Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et bonjour à tous! Bienvenue dans la case du week-end qui est de retour. Et oui, après une petite pause et je m'en excuse. Bienvenue dans la case du week-end, nous sommes donc en direct jusqu'à midi. Et aujourd'hui, petite surprise, je ne suis pas tout seul. Je suis avec celui qui nous a accompagnés pendant le confinement dans la case du soir, le grand, l'unique, Matt. Ah bah sympa l'intro, c'était trop sympa je dirais même. Ah bonjour bah, Enzo. C'est vrai, c'est bonjour vrai, voilà. Ah bah dis donc, c'est formidable. Mais je suis très content d'être avec toi et très content d'être avec vous. Très chers auditeurs de Radio Antigone, pendant 2 heures dans la case du week-end, quand même. Eh oui, on est très contents, en tout cas nous, de te recevoir aujourd'hui pour cette émission. Une émission avec un beau programme, comme d'habitude, et notamment musical. Oui, bien sûr, on va écouter de la musique. Et on va écouter notamment, dans une petite dizaine de minutes, Corneille avec Pause. On va écouter Corneille, mais on va écouter la musique de la playlist de Radio Antigone, Tame Impala, Borderline. Et à 10h45, et de poussière, George Benson, Give Me The Night, dans le classique. Un sacré programme musical, mais un sacré programme rédactionnel aussi. Mais oui, totalement. Je sais pas si c'était français. Je sais pas, je suis pas sûr, mais on passera, t'inquiète pas, c'est pas grave. Oui, programme, beau programme effectivement, puisque dans un peu moins de 5 minutes, on va parler jeux vidéo, avec les sorties jeux vidéo, la chronique a été déplacée. Nous parlerons également économie avant 10h30, on va parler écologie et notamment du résultat d'une étude d'un économiste. Nous parlerons également de numérique et d'une version premium payante de Twitter, et puis médias avec le nouveau média local commun à France TV et Radio France, dont on a eu quelques informations cette semaine. Voilà pour le programme de la première heure. Je suis ravi d'être avec Matt aujourd'hui. Et Matt, qu'est-ce qu'on écoute pour commencer cette émission? Eh ben, on écoute Nada Surf avec Popular. Only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind, straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, he'll remain friends. There is. If you want to catch the biggest fish in your pond, you have to be as attractive as possible. Make sure to keep your hair spotlessly clean. Wash it at least every 2 weeks. Once every 2 weeks. And if you see Johnny Football Hero in the hall, tell him he played a great game. Tell him you liked his article in the newspaper. I propose we support a 1 month limit on going steady. I think it would keep people more able to deal with weird situations get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your 1 month limit. He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it, everyone will appreciate it. You're so novel, what a good idea. You can keep your time to yourself, you don't need date insurance. You can go out with whoever you want to. Radio Antigone, c'était Nada Surf avec Popular à l'instant. Et à 10h16, 17 même, on part sur les actus, sur les sorties jeux vidéo, pardon. Les sorties jeux vidéo. Ça y est, ça commence, je commence à me mélanger. Nous sommes toujours avec Matt, bien sûr. Et les sorties jeux vidéo, eh bien, c'est tout simplement des présentations de jeux vidéo qui viennent de sortir. Et Matt, tu nous proposes de partir voir les dinosaures, je crois. Oui, oui, je vous propose le nouveau jeu. Il est sorti le 9 novembre, développé par Frontier Games. C'est Jurassic World Evolution 2. Et c'est la succession du jeu de gestion Jurassic World Evolution qui était sorti en 2018. Frontier Games, il en est pas à son coup d'essai avec des jeux de gestion, puisque c'est eux qui ont publié les très très connus et très reconnus Planet Coaster, Planet Zoo et Roller Coaster Tycoon, des jeux qui permettent de créer et de gérer des parcs d'attractions, des zoos. Alors comment vous dire que Jurassic World Evolution 2, c'est vraiment pas leur coup d'essai, et il est disponible pour environ, je crois, 60€. C'est pas donné, mais on verra si ça vaut le coup. Oui, c'est pas donné, mais vu la qualité du 1, qui est déjà niveau graphisme ou niveau contenu assez impressionnant, le 2, eh bien, risque d'être intéressant. Donc, si ça vous intéresse vraiment, faites-vous plaisir et vous pouvez trouver quelques réductions à certains endroits. Alors, le jeu que je vous propose, quant à moi, eh bien, c'est un jeu avec un univers totalement différent, développé par Infinigon Game, édité par Team 17. C'est un jeu qui s'appelle Epic Chef et qui vous propose une aventure culinaire inédite dans laquelle vous allez pouvoir suivre le parcours de Zest dans ses débuts. Vous allez pouvoir construire une ferme, faire pousser des ingrédients et puis ensuite débloquer des machines pour cuisiner, sublimer vos plats de façon avec des notes puissantes, sophistiquées et raffinées pour faire donc de plats délicieux. Attention, il faut un ordinateur un petit peu puissant quand même, puisqu'il faut au moins 8Go de RAM pour y jouer, et une carte graphique avec 2Go de VRAM. Voilà pour donc ce jeu Epic Chef qui est disponible sur Steam et qui est actuellement en réduction à 22,49€ au lieu de 24,99€. Il est sorti jeudi. Et bah dis donc, ouais. Sacré bon plan que tu nous proposes. Ouais, 10% de réduction, wouh. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais oui, totalement. Allez, on passe à la suite. Bon, je propose, il est quasiment 10h20. 10h, midi, la case du week-end. C'est incroyable, on est à l'heure. Ouais. Je vous propose, avant de parler économie, que nous écoutions Corneille. Pause. On le dit. Vie ça passe. Le mal, ça parle fort, mais c'est juste des menaces. Tu iras loin, n'attends pas que jeunesse passe. Tout ira bien, bien. Mets-moi sur. Radio Antigone, à l'instant, vous venez d'écouter Corneille avec son tout dernier single. C'était Pause et on parle économie à 10h23. Aujourd'hui, l'économie. Et aujourd'hui, l'économie, c'est ce week-end avec Anne Verdaguer. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Alors que la COP26 est toujours en cours, en attendant un accord entre les pays, Anne, vous nous parlez ce matin d'une étude de l'économiste Lucas Chancel, dont les résultats sont saisissants. Mais oui, est parue fin octobre, cette étude dirigée par ce spécialiste des inégalités dans le monde démontre que seulement 10% de la population mondiale, celle qui est la plus riche, est responsable d'environ la moitié de toutes les émissions de gaz à effet de serre, tandis que la moitié la plus pauvre de la population n'en émet que 12%. Pire encore, depuis 1990, l'étude porte sur 30 ans, les émissions de 1% des plus riches ont augmenté plus rapidement que celle de tout le reste de la population. À cela, deux raisons. La montée des inégalités, bien sûr, et cela en dépit de la croissance économique de plusieurs pays dits émergents, mais aussi les riches émettent bien plus par leurs émissions dites indirectes au travers des biens et des services qu'ils achètent, mais aussi par les investissements qu'ils réalisent. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit donc pas simplement d'un clivage entre pays riches et pays pauvres, et il y a surtout de grosses disparités au sein même des classes sociales. Les efforts de réduction des émissions que se sont fixés les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore la France ont déjà été atteintes par la moitié la plus pauvre de la population. Des disparités donc au sein de chaque pays, mais également entre les pays. Et sans surprise, les pays développés restent en tête du palmarès. Un habitant des États-Unis émet en moyenne 2 fois plus de CO2 qu'un Européen ou un Russe, 4 fois plus qu'un Latino-Américain, 13 fois plus qu'un Africain. La Chine, elle, s'approche de l'Europe avec 8 tonnes par personne. Ces questions sont cruciales, bien sûr, car il faut vraiment comprendre qui, au final, devra payer pour réduire ses émissions de CO2, car le fait que le réchauffement climatique soit un accélérateur des inégalités, ce n'est n'est pas nouveau. Ce qu'il est en revanche, c'est la prise de conscience que pour parvenir au zéro carbone en 2050, il faudra désormais prendre ces inégalités en compte et demander plus d'efforts à ceux qui polluent le plus. En gros, la moitié supérieure de la population, en particulier du 10% supérieur. Cela paraît finalement assez logique, c'est le principe pollueur-payeur, mais il en va en réalité bien autrement. Et donc, une idée qui fait son petit bout de chemin depuis quelque temps chez les économistes, pour parler à ça, un impôt climat pour les plus riches, un ISF climat en quelque sorte. Oui, c'est la mise en place d'une taxe carbone à destination de ceux qui émettent le plus. Mais attention, sans refaire la même erreur qui a conduit à la crise des gilets jaunes lorsque le gouvernement français a souhaité augmenter la taxe carbone sans redistribuer ses recettes aux ménages les plus modestes, ni inquiéter les habitudes de consommation ou d'investissement des plus aisés. L'économiste Lucas Chancel, dans son rapport, note qu'il faut une stratégie plus égalitaire, car au fond, c'est aussi c'est ça qui empêche d'avancer. Les ménages modestes anticipent les politiques climatiques qui viendraient gréver leur niveau de vie. Et la mise en place de la taxe sur les carburants en est un bon exemple. Le lobby du carbone utilise cet argument pour freiner toute avancée. Les décideurs, eux, craignent la sanction électorale s'ils tentent d'accélérer la cadence. Un cercle vicieux qui a fait perdre plusieurs décennies d'action. L'économiste suggère donc un impôt de 10% sur la valeur des actifs carbone détenus par les multimillionnaires, de quoi financer la majeure partie des investissements nécessaires chaque année pour mener à bien la transition énergétique. Merci beaucoup Anne Verdaguer pour cette chronique économique. On vous retrouve demain à la même heure. Et dans une heure, eh bien, nous allons parler du prix du bois de construction qui s'envole. Et tout de suite, on écoute de la musique. Feu Chatterton, avant qu'il n'y ait le monde et avant qu'il n'y ait le flash. Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche, le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour, quand pourtant mon sang est demeuré froid, mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Thank you. merci beaucoup d'être sur Radio Antigone. Merci, c'est la case du week-end qui est en direct jusqu'à midi. J'ai un peu de mal, c'est normal, c'est la reprise. Nous venons d'écouter Feu Chatterton avant qu'il n'y ait le monde. Radio Antigone. Et qui avait-il avant qu'il n'y ait le monde? Eh bien, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, eh bien, c'est qu'il est 10h30 et que la case du week-end continue. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Et à 10h30, quasiment 31, voici un point sur l'actualité. C'est avec Matt. Bonjour Matt. Bonjour à tous. Aux Pays-Bas, face à la hausse de la pandémie, le Premier ministre Mark Rutte a annoncé un confinement partiel du pays pendant 3 semaines. Une série de restrictions sanitaires visant notamment les lieux de restauration et de loisirs pour endiguer la propagation du Covid. À Glasgow, les pays participants à la COP26 sont toujours réunis. Ils débattent sur la déclaration commune, texte dont chaque mot est scruté. La ministre de l'écologie française, Barbara Pompili, a déjà annoncé la fin des financements de projets d'exploitation fossile à l'étranger. Alors que la COP est déjà critiquée pour son manque d'action par des associations, 5 pays européens, dont l'Allemagne, ont critiqué le classement par l'Union européenne du nucléaire comme une énergie dite verte. La critique qui vise également la décision du président Emmanuel Macron de lancer un nouveau programme nucléaire français. Les discussions de la COP26 continuent. La crise migratoire entre le Bélarus et la Pologne continue. Un migrant syrien a été retrouvé mort à la frontière, portant le nombre de décès de migrants à 11. Le président russe Vladimir Poutine a rejeté toute responsabilité dans la crise migratoire. Du côté polonais, plusieurs élus s'impatientent et attendent, je cite, que l'Union européenne s'implique davantage. À Sablé-sur-Sarthe, en Mayenne, la joggeuse disparue, qui s'était réfugiée dans un kebab, dans un état de choc, a reconnu avoir menti et ne pas avoir été enlevée. Et puis elle était sous tutelle depuis 2008. Après 13 ans, la justice américaine a mis fin à la tutelle de Britney Spears. L'intéressée a réagi et annoncé « C'est le plus beau jour de ma vie ». Et la météo, de la pluie cet après-midi, désolé, sur toute la majorité du pays, excepté dans le sud et en Bretagne, il fera 13 degrés à Brest, Paris et Toulouse, 8 degrés à Besançon, 12 à Lille, 14 à Nantes et à Bordeaux, il fera jusqu'à 17 à Nice et 18 à Marseille, de la pluie tout le week-end, désolé, encore, et puis à partir de lundi et mardi, un peu moins de pluie, il commencera à faire beau. Et voilà, c'est tout pour la météo. Et tout de suite, la case du week-end continue. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo et Matt. C'est en effet la case du week-end, voilà, avec le bed moins fort. Ça fonctionne mieux, elle est en direct jusqu'à midi avec Matt, vous l'avez compris aujourd'hui. Merci d'ailleurs pour ce flash. De rien, grand plaisir. Très bien, on te retrouve à 11h bien sûr pour un nouveau point sur l'actualité et un nouveau petit point météo. Dans cette demi-heure, eh bien, nous allons parler numérique et parler d'une version premium de Twitter, une version payante donc de Twitter. Twitter Blue, les explications dans quelques instants, oui, fin de le dire. On va également eh bien, retrouver l'éphéméride pour tout savoir sur le samedi 13 novembre. Et puis, eh bien, nous parlerons médias avec notamment eh bien, le nouveau média local commun à France TV et Radio France que va nous expliquer Matt. Et puis on parlera également de France 24. Voilà, voilà pour le programme éditorial et rédactionnel pour en revenir à ce que tu disais. Oui, et niveau musique, on va écouter de la bonne musique. Camélia Jordana avec Le Monde en Main qui arrive bientôt. Je me convainc, j'affirme en vain, sans force et j'ai le monde en main. Je m'abandonne, je déraisonne, sans lendemain. Ça, ce sera à 10h40 et à 10h45 et quelques, le classique de la case du week-end, George Benson. George Benson avec Give Me the Night, bien sûr. Give me the night. J'avais envie de retrouver... aussi un peu la montée là, le, du refrain. Mais oui. Voilà, j'aime bien ce titre, il est sympa quand même. On va l'écouter en intégralité tout à l'heure, voilà, avant 11h. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on écoute? Oh, et bien voici un titre qui j'espère va faire plaisir à Antoine, parce que c'est un artiste qu'il adore. Thème Impala avec Borderline, avant de parler numérique sur Radio Antigone. Voilà, avec Borderline sur Radio Antigone, vous écoutez la case du week-end. Merci d'être avec nous. Il est 10h38 et on va parler. Voilà, vous l'avez entendu, c'est le petit oiseau de Twitter. Parce qu'on va parler des actus du numérique tout de suite. Radio Antigone. Les actus du numérique. Enzo. Oui. On parle de Twitter. C'est vrai, on parle de Twitter, puisque vous en avez peut-être entendu parler ou pas, merci. On parle donc Twitter. Ah, non. Ah, il n'était pas prêt cette fois? Oh. Twitter. Bref. Twitter. Donc... Désolé, on s'amuse avec le cartoucheur. On s'amuse, ouais, ouais. Bah, c'est ça aussi cette émission, hein, se faire plaisir, s'amuser. Voilà, hein, pourquoi rester totalement sérieux quand on peut se faire plaisir. Donc, Twitter. Twitter, le fameux réseau social, vous connaissez. Twitter, eh bien, qui vient de lancer son offre payante aux États-Unis, une offre qui était déjà lancée dans d'autres pays, en Australie et au Canada, ça c'était au mois de juin. Twitter Blue, une version premium, donc, de Twitter, qui débarque aux États-Unis et en en Nouvelle-Zélande, disponible sur la version Android, iOS et la version web, qui ajoute donc quelques fonctionnalités supplémentaires, rien de bien exceptionnel, voilà. Notamment, première fonctionnalité, eh bien un moyen de sauvegarder des tweets de façon plus rapide, plus facilement, et pour les retrouver de façon plus simple avec eh bien ce qu'ils appellent un bookmark folder, où vous avez eh bien tous vos tweets que vous avez pu étingler et catégorie par catégorie si vous le souhaitez. Autre fonctionnalité, eh bien celui d'annuler le post d'un tweet dans les 30 secondes eh bien après l'envoi, c'est-à-dire que le post eh bien n'est pas envoyé avant 30 secondes et vous avez donc le temps d'appuyer sur le petit undo soit retour annulé pour empêcher le tweet de s'envoyer. Vous avez 30 secondes pour faire cela avec la version premium. Et puis dernière fonctionnalité, il y en a d'autres mais c'est une dernière la plus utile, c'est le Rider Mode qui vous permet eh bien de lire beaucoup plus facilement les threads ou les fils Twitter, c'est-à-dire les tweets à la suite eh bien qui racontent qui permettent de développer quelque chose, une pensée, une information sur plusieurs tweets puisque vous le savez les nombres de caractères sont limités sur un seul tweet et donc les threads permettent de lier plusieurs tweets eh bien sur la version premium, eh bien vous avez un mode qui vous permet de lire spécialement les threads en un seul tweet. Voilà, vous pouvez ouvrir le Raider mode qui vous met tout à la suite les photos, qui vous range bien ça comme si vous lisiez un article sur un site d'information quelconque. Et notamment à propos de sites d'information quelconque, eh bien la version premium de Twitter, Twitter Blue, propose également en plus d'un service client dédié, eh bien des articles de presse sans publicité. C'est ce que les abonnés à cette offre payante peuvent voir, puisque grâce au rachat de Scroll, Twitter propose des articles de presse sans publicité de médias comme le Washington Post, Los Angeles Times, USA Today, Reuters ou même BuzzFeed. Ce n'est pour Twitter que le début d'ailleurs des articles sans publicité qui seront mis en place. D'autres seront ajoutés au fil du temps, voilà, pour cette présentation concernant Twitter Blue. Pour l'instant, aucune date n'est annoncée concernant un potentiel lancement en France. Et là, vous vous dites, bah alors pourquoi tu nous en parles ? Oui, je sais, du coup, ça sert à rien. Sympa la fin de la chronique. Mais si, ça sert toujours d'avoir les informations, parce que quand ça va sortir, tout le monde va en avoir parlé, mais Radio Antigone en aura parlé en premier. Dans la case du week-end. Et Radio Antigone. 10h, midi, la case du week-end. Pardon, je t'ai coupé. Ah non, je disais, eh oui, ne vous t'inquiète pas. Et tout de suite, on écoute de la musique. On écoute Camélia Jordana avec Le Monde en Main avant de retrouver l'éphéméride, 10h43. J'écrase et j'oppresse, si loin de savoir tout ce que j'incarne. Voilà le concept. Je veux que t'acceptes devant moi de baisser la tête et les armes. Je ne m'autorise que peu de confidences. Mes émotions assourdies par le silence. Mon genre en médaille, frappé dans ma confiance. Maintenant je me lance. Je me convainc, j'affirme en vain. Sans force et j'ai le monde en main. Je m'abandonne, je déraisonne. Sans lendemain. Passe, je ne peux les bannir. Moi je pousse mon cœur au pire. Droit comme un homme, l'âme au sommet. Comme mon ego en fait des tonnes. Je me vois grand, me sens vivant. Et je frissonne. Je ne me soucie que peu de tout détruire. Leur apprenant à ravaler les larmes. Déconstruire et défaire ne m'importe guère. Mes précieux privilèges, je me les garde. Je ne m'autorise que peu de confidences. Mes émotions assourdies par le silence. Mon genre en médaille drapé dans ma confiance. Maintenant je me lance. Je me convainc, j'affirme en vain. Sans force et j'ai le monde en main. Je m'abandonne, je déraisonne. Sans lendemain. Les secousses passent, je ne peux les bannir. Moi je pousse, je pousse, je pousse mon cœur au pire. Droit comme un homme, la mosse aux mains. Quand mon ego en fait des tonnes. Je me vois grand et me sens vivant. Et je frissonne. Je ne me soucie que peu de tout détruire. Quand je cours, je cours, je cours pour ne pas fuir. Amélia Jordana, avec le monde en main, merci à vous d'écouter Radio Antigone, et tout de suite, il est 10h46. L'éphéméride. Toutes les infos sur la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 13 novembre 2021, avec Enzo. Le 13 novembre, qui est le 317e jour de l'année. Et oui, 317e jour de l'année. Le soleil s'est levé à 7h58 aujourd'hui et va se coucher aux alentours de 17h12. Bon anniversaire à Mathieu Noël, le journaliste qui a 39 ans. Bon anniversaire à la femme politique Aurore Berger, 35 ans aujourd'hui. Jimmy Kimmel fête ses 54 ans. Chris Noss, l'acteur, fête quant à lui ses 67 ans. Et puis l'acteur américain Joe Mantegna, fête ses 74 ans puisqu'il est né en 1947. Alors, bonne fête aux Brice, aux Abons ainsi qu'aux Maxéland. La journée mondiale aujourd'hui, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la vasectomie, qui est une méthode de stérilisation masculine qui consiste à couper et bloquer les canaux différents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Voici quelques événements s'étant déroulés un 13 novembre. On peut parler de la Bloody Sunday, qui est le nom donné à une dispersion violente de la police montée d'une manifestation pacifique d'ouvriers qui réclamaient une amélioration de leurs conditions de vie. C'était à Londres, cette manifestation, sur Trafalgar Square, le dimanche 13 novembre 1887. Et puis, une pensée à toutes les victimes des attentats qui ont fait face, malheureusement, en France, le 13 novembre 2015. Une pensée à toutes les victimes, et à tous leurs proches, pardon. Et voilà, c'est un jour pas très joyeux, mais nous on va faire tout pour que ça soit un peu plus joyeux quand même, et notamment vous passer de la musique. Le classique de la case du week-end. Et oui, puisqu'on écoute un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, c'est le principe du classique musical de la case du week-end. Et on écoute aujourd'hui George Benson avec Give Me The Night. Et après, on fait un point sur les actus des médias. Restez bien avec nous dans la case du week-end. Bon réveil. Can throw out all the blues and hit the city lights, cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. You need the heat action. A place to dine, a glass of wine, a little late romance. It's a chain reaction. We'll see the people of the world coming out to dance, cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Radio Antigone, c'était le classique de la case du week-end. George Benson, Give Me the Night. Radio Antigone. Les actus des médias. Et avant d'écouter Thérapie Taxi, on fait donc un point sur les médias et on commence avec l'actu de Matt. Matt, eh bien, tu nous parles pour cette première actu médiatique du nouveau média local commun à France Télévisions et Radio France. Oui, c'est un projet qui est dans les tuyaux de Radio France et de France Télé depuis quelques temps. Ce projet, c'est tout simplement un média, une plateforme commune au réseau France Bleu, réseau radio de Radio France, réseau local, et à celui de France 3 à la télé. Un renforcement et une collaboration entre les médias publics qui est importante, notamment au vu des élections présidentielles à venir et de l'importance du local de plus en plus dans la politique et dans l'univers médiatique. Le dernier projet similaire, il remonte à 2016, c'est France Info, le média global, avec le lancement de la télé, du site internet commun à la radio et la télé, qui reprenait le nom de la radio. Et s'il y a eu du temps avant de lancer ce projet de média local, c'est notamment dû un peu à France Info. Eh ben oui, du côté de Radio France, ils n'ont pas envie de se faire, on va dire, avoir, et ils ont la volonté de garder la marque forte qu'est France Bleu. Après des débats et discussions qu'on imagine nombreux, la décision finale a été de faire un média à part. Visiblement, ce média ne va garder ni le nom de France Bleu, ni le nom de France 3. Et les deux réseaux vont rester chacun de leur côté. Alors, au niveau de la collaboration entre les deux, on attend de voir dans les faits. Ça va se lancer en mars 2022. Et on attend de voir dans les faits parce que le maillage du réseau France Bleu n'est pas le même que celui de France 3. Celui de France 3 s'appuie énormément sur les régions, avec notamment les éditions régionales ou les éditions des anciennes régions des journaux, alors que France Bleu est beaucoup plus sur du niveau départemental, plus ou moins, avec plus de 44 stations. Alors on attend de voir ce projet de média global, commun, local, commun à Radio France et à France Télévisions. Merci beaucoup, Matt, pour toutes ces explications. Et donc, comme ça arrive souvent dans les actus des médias, affaire à suivre. Mais voilà. Oui, bien sûr. Pour continuer ces actus des médias, je vous propose d'aller du côté de France 24, la chaîne du service public, puisque la rédaction de la chaîne d'information a voté une motion de défense contre 5 membres de direction pour dénoncer un système à bout de souffle et pour appeler un changement profond et nécessaire. Le but, c'est donc de faire pression sur les dirigeants. Jeudi 4 novembre, donc je me suis totalement raté dans mon lancement de chronique, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je disais donc, voilà, que cette motion a été votée par 325 journalistes parmi les 535 que comporte France 24, soit près de 60% de participation. Le but était de cocher « je fais confiance ou je ne fais pas confiance » eh bien au nom des 7 membres de la direction et de la secrétaire générale de France 24, et seuls 2 sur 7 ont été confortés par le vote. Et oui, même la patronne Vanessa Burgraff recueille un score très très serré, 50,92% des votants indiquent ne pas lui faire confiance. Alors, au départ de cette crise, une situation compliquée à France 24, une situation pour de nombreux journalistes, pour la plupart, notamment pour les 175 journalistes à la pige des 3 antennes de France 24. Ce mouvement n'émane pas des syndicats, mais à la base, est une initiative spontanée qui s'est créée avec des groupes WhatsApp et Facebook, ou même avec des comptes email anonymes. Et pourtant, ça fonctionne bien. Le but est donc de dénoncer une organisation difficile dans la rédaction de France 24, puisque la direction a notamment pris la décision de rétablir le week-end son organisation d'avant la crise du Covid, ce qui alourdit la crise du travail. Dans les couloirs, la situation est donc compliquée, c'est assez tendu. Pour beaucoup de salariés, la fatigue se fait sentir, avec des heures des sollicitations pour travailler la nuit, puis le matin très tôt, une impossibilité d'organiser la vie ni leur avenir. Les journalistes qui souhaitent donc avoir une réorganisation et que ça se passe un petit peu mieux au niveau organisation. Dis donc que ma chronique était compliquée, là, j'ai l'impression. Mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui, la situation, elle est... Je sais pas si c'était clair. Oui, c'était clair. La situation, elle est très compliquée à France 24. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a la critique notamment du management qui est parfois brutal et toxique, selon les journalistes, et le recours nombreux aux pigistes qui sont payés en fonction du travail et qui ne sont pas payés par un salaire. Ils sont pas payés à l'heure, ils sont payés au travail. Ça, c'est beaucoup, beaucoup critiqué. Et donc, je crois que c'est jeudi qu'ils ont prévu une grève. Enzo, tu me corriges si je me trompe? Oui, c'est ça qui est prévu, il me semble, d'après ce que j'ai vu. Je peux retrouver, si tu veux, l'information que j'ai concernant France 24. Effectivement, c'est ça. Appel à la grève jeudi. Voilà. D'accord, et donc la situation. Et donc la situation, elle est très très très tendue. Et on verra comment ça va se passer dans le futur. Et voilà. Et il est presque 11h. Oui, il est presque 11h. Alors Thérapie Taxi, on va l'écouter, ne vous inquiétez pas. On l'écoutera tout à l'heure, après aujourd'hui l'économie. C'est comme ça, la chronique, la musique est déplacée quand on n'a pas le temps, parce que il y a de la place pour mettre la musique. Et pour l'instant, on part donc sur un temporaire. Radio Antigone. Et oui, puisqu'il est 11h sur Radio Antigone, dans un instant, l'archive pub, le programme télé et aujourd'hui l'économie. Restez bien attirés avec nous dans la case du week-end. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Comme chaque demi-heure, il est l'heure de retrouver le flash présenté par Matt. Bonjour à tous. Aux Pays-Bas, face à la hausse de la pandémie, le Premier ministre Mark Rutte a annoncé un confinement partiel du pays pendant 3 semaines, une série de restrictions sanitaires visant notamment à les lieux de restauration et de loisirs pour endiguer la propagation du Covid. À Glasgow, les pays participants à la COP26 sont toujours réunis. Ils débattent sur la déclaration commune, texte dont chaque mot est scruté. La ministre de l'écologie Barbara Pompili a déjà annoncé la fin des financements de projets d'exploitation fossiles à l'étranger, la fin de financement public, je précise. Alors que la COP est déjà critiquée pour son manque d'action par des associations, 5 pays européens dont l'Allemagne ont critiqué le classement par l'Union européenne du nucléaire comme une énergie verte. La critique vise également la décision du président Emmanuel Macron de lancer un nouveau programme nucléaire français. Les discussions de la COP26 continuent. Et la crise migratoire entre le Bélarus et la Pologne continue elle aussi. Un migrant syrien a été retrouvé mort à la frontière, portant le nombre de décès de migrants à 11. Le président russe Vladimir Poutine a rejeté toute responsabilité dans la crise migratoire. Du côté polonais, plusieurs élus s'impatientent et attendent, je cite, que l'Union européenne s'implique davantage. À Sablé-sur-Sarthe, en Mayenne, la joggeuse disparue, qui s'était réfugiée dans un kebab dans un état de choc, a reconnu avoir menti et ne pas avoir été enlevée. Et puis elle était sous tutelle depuis 2008. Après 13 ans, la justice américaine a mis fin à la tutelle de Britney Spears. L'intéressée, la chanteuse, a réagi et annoncé que c'était le plus beau jour de sa vie. Et du côté de la météo, de la pluie cet après-midi sur la majorité du pays, excepté dans le sud, dans la région PACA, et en Bretagne, il fera 13 degrés à Brest, Paris et Toulouse, 8 degrés à Besançon, 12 à Lille, 14 à Nantes et Bordeaux, il fera jusqu'à 17 à Nice et 18 à Marseille. De la pluie tout le week-end, désolé, et à partir de mardi, du soleil qui arrivera sur toute la France. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo et Matt. La case du week-end qui se poursuit en effet en direct sur Radio Antigone. Et dans quelques instants, nous allons retrouver le programme TV, bien sûr. Il y aura également aujourd'hui l'économie. On va parler du bois de construction dont les prix augmentent puisqu'il est très demandé. On en parlera avec Guillaume Nodin de la rédaction de RFI. Et nous sommes toujours bien sûr avec Matt. Oui, on est toujours avec moi-même et avec de la musique. La musique de Radio Antigone, notamment dans une petite dizaine de minutes, Broken Bells. Et vous l'entendez pas à l'antenne, mais il y a Enzo qui est en train de s'enjailler sur cette musique. On écoutera aussi Coldplay avec Higher Power. Ah. But you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. Coldplay qu'on écoutera et également dans 40 minutes, ça commence à faire loin, ça va bientôt être la fin de l'émission, le classique de la case du week-end avec The Police. The Police avec Walking on the Moon qui arrive arrivera dans quelques instants, enfin dans quelques instants, dans 40 minutes sur Radio Antigone. Voilà pour le programme musical, mais tout de suite, on plonge dans le passé avec l'Archive Pub. L'Archive Pub. Et pardon, j'ai bégayé, l'Archive Pub, bien sûr. C'est pas grave, t'inquiète pas, on ne t'en veut pas. Avec, tu l'as remarqué, ce nouveau générique, ce nouveau jingle depuis le début de la saison. Un peu plus long que l'ancien, voilà, parce que l'ancien, il était... Et c'est fini, voilà. Il était très très court. Je vous emmène aujourd'hui en 1992 pour, parler de ce que je vais sûrement manger ce midi, d'ailleurs. De riz, voilà, tout simplement, avec le sucre. Ah! Sauf que le son, il veut pas partir à l'antenne. C'est embêtant, ça. Alors, je vais vous le mettre à l'antenne dans 10 petites secondes. Voilà. Le temps de le mettre dans, par exemple, Chronique 9. Voilà. Je l'enregistre. Et puis, j'y ai accès en une poignée de secondes. Les coulisses. Il est là. Avec Enzo. Voilà, on y va. On l'écoute. Le nouveau riz sucru, cuit en 10 minutes. Vous avez 10 minutes et pas une de plus. 10 minutes pour un riz très long grain à teneur garantie en vitamines, en gourmandise et en vitalité. 10 minutes et pas une de plus. Bienvenue, le sucru. C'est pratique, au moins c'est rapide, hein, voilà. On a compris que c'est en 10 minutes seulement, hein. Je pense que nous l'avons compris. Alors, Lusticru, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une marque, voilà. Une marque créée en 1929. C'est une marque française, dont le siège social se situe encore en France, à Grenoble, en Isère. Voilà. Marque créée donc en 1871. Et oui. Alors ça, c'est pas la marque Lusticru en elle-même, mais c'est en tout cas le groupe. 1911 pour le nom Lusticru. Et puis, en 2002, la société a été séparée en deux entreprises distinctes. Les activités de pâtes sèches sont reprises par le français Pastacorp et celles des pâtes fraîches par le groupe espagnol Eburo Food sous le nom de Lusticru Sélection. Voilà. Si vous voyez des packaging un petit peu différents entre les deux, ça peut venir de cela. Niveau actionnaire, Lusticru, Rivoire et Carré, voilà, et Pastacorp, donc. L'entreprise emploie directement 240 personnes, c'est pas mal, voilà, quand même, et a été créée, par les trois frères Cartier-Milon, voilà, Félix, Gabriel et Albert, qui ont un rôle et des responsabilités dans l'entreprise familiale à l'époque. Voilà. Allez, un petit peu, ce petit chiffre, voilà, que je trouve là, à l'instant, sur la page Wikipédia de Lusticru, en espace de 10 ans. En 1880, les époux Cartier-Milon ont doublé la production de leur usine artisanale pour atteindre les 500 kg de pâtes par jour. Leur usine permettait de produire donc 500 kg de pâtes par jour en 1881. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, pour cette période. Voilà. Merci beaucoup, Enzo. Est-ce que toi, tu serais capable de les manger, ces 500 kg de pâtes, en un jour? Alors non, déjà que j'ai du mal à finir une assiette de pâtes normale, non. Non. Petit défi. Que je ne relèverai pas. Ah. Mais je te le lance. Il est pas joué. Je te le renvoie, voilà. Alors 500 kilos, ça va faire un peu beaucoup. Ah. Mais bon. Tout est faisable. Oui, est faisable, bien sûr. D'ailleurs, il y a une belle publicité datant de 1931 où on voit un monsieur qui a un peu visiblement abusé des pâtes, qui en a mangé sûrement 500 kilos, parce que je vous conseille d'aller voir sur la page Wikipédia de Lusticru. La première image montre une vieille pub de 1931 et cette personne a fait le défi des 500 kilos de pâtes. Voilà. C'est pas méchant. Voilà. Je suis pas d'accord. On verra. Moi, j'ai pas la page Wikipédia sous les yeux, donc. Je te laisse aller voir. Dans la même situation que vous, très chers auditeurs. Je te laisse aller voir. Il est 11h09. Qui lance la suite? Parce que je crois qu'on attend les deux que le suivant lance, en fait, hein. Je vais y aller. Écoutez, parce qu'on va écouter de la musique Broken Bells avec The Ghost Inside sur Radio Antigone, 11h09. We'll be right back. Bah, ça peut être le soir si tu veux. Hein. Bonjour. Radio Antigone, le programme télé. Oh que oui. Oui, je vous propose d'aller sur France 2. Alors, je vais pas vous proposer un documentaire profond qui parle de tel truc, un super film, une super série, non. Moi, je voulais vous recommander ça, un peu pour la blague. Soirée spéciale Laurent Ruquier sur France 2 ce soir. Alors, pourquoi soirée spéciale Laurent Ruquier, vous allez me dire? Parce que à 21h, on a le droit aux grosses têtes. L'émission radio d'RTL de Laurent Ruquier, qui est faite en format télé, voilà, avec pas mal de personnes aujourd'hui pour la journée mondiale de la télévision. Il sera avec Marianne James, Julien Bugier, Bruno Guillon ou encore Philippe Lelouch, parmi d'autres, parce qu'ils vont être beaucoup. Alors voilà, les grosses têtes spéciales télévision, c'est sur France 2. Oh, oh, avec le générique derrière. C'est sur France 2 à 21h ce soir. Et soirée spéciale Laurent Ruquier, vu qu'à partir de 23h30, vous avez rendez-vous avec Laurent Ruquier et son émission. On est en direct, Laurent Ruquier et Léa Salamé. 23h30, 1h30, leur émission très, très, très, très longue. Avec beaucoup d'invités ce soir, il y en a tellement que je vais pas tout vous dire. Voilà, soirée spéciale Laurent Ruquier, même si c'est pas comme ça qu'il l'annonce. Et c'est ce soir à 21h sur France 2, les grosses têtes, 23h30, on est en direct. Merci Matt pour ce conseil. Bah, faut dire que s'il l'annonçait en soirée Laurent Ruquier, déjà que faire une soirée où il y a que le rôle Laurent Ruquier, ça fait débat à certains moments. Alors si en plus ils annoncent soirée Laurent Ruquier, je pense que ça serait pas triste. Alors les autres programmes avec TF1 qui vous propose le dernier prime des 20 ans de la Star Academy, c'est inédit et c'est à partir de 21h05 sur France 3, rediffusion de Meurtre à Brive-les-Bains suivi de Meurtre sur le lac Léman, sur Canal Plus en direct des matchs de classement et de la fille et la finale d'In Extenso Super 7, c'est du rugby et c'est donc à 21h13 sur Canal Plus bien sûr. Sur France 5, un numéro inédit d'Échappée Belle qui part en Grèce pour parler du miracle crétois et c'est suivi, eh bien bon, ils ont bien programmé tout ça hein. C'est suivi d'un numéro consacré à l'Italie sur la vallée d'Aoste. Sur M6 du football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de football, le groupe D dans lequel la France affronte le Kazakhstan. Le Kazakhstan, oui, je me suis raté sur la prononciation. Ne vous moquez pas. Hein. Je l'entends de loin là, Matt. Hein. Il se dit, il sait même pas prononcer Kazakhstan. Hein. J'aurais du mal aussi à prononcer Kazakhstan. Et puis je me suis raté en le redisant là, tu vois. Je vais directement donc passer à Arte. Par contre, je suis pas sûr que je vous lise le sous-titre du programme d'Arte parce que ça va être pire. Noé et le déluge, l'envers du mythe. Bah ça tombe bien, le sous-titre, c'est le nom que je viens de vous dire, mais en allemand parce que c'est Arte. Voilà, donc je vais éviter. Noah, c'est dans le programme. Alors attends. Attends, oui. Je vais essayer de le dire. Vas-y. Parce que mes connaissances de allemand LV2 au collège et au lycée. Ah. Noah und die Sintflut. Ouais, j'aurais dit ça, effectivement. Bien. C'est un programme inédit qui débutera à 20h50 et qui est suivi d'un magazine consacré aux attentats du 13 novembre 2015 à 22h40. Chemin de la mémoire, c'est le nom de ce magazine qui est inédit et que vous pouvez donc voir sur Arte. Sur C8, le magazine Mon Maître est une célébrité, c'est inédit et il y a plusieurs épisodes à partir de 21h09. Sur W9, comme chaque samedi, La Petite Histoire de France. Sur TMC, comme chaque samedi également, rediffusion de Colombo. Sur TFX, comme chaque samedi, Chronique criminelle avec un épisode inédit. Sur NRJ12, comme chaque samedi encore, Modern Family toute la soirée, sur LCP Public Sénat. Ah, ça c'est demain que je veux dire, comme chaque dimanche. Mais ce samedi, eh bien, ce n'est pas pas toujours le même programme. Aujourd'hui, c'est Attentat au cœur du pouvoir. Sur France 4, les victoires du jazz, suivies à 22h40 des 18e victoires du jazz 2020. C'est inédit sur C-Star, comme chaque samedi. Ghost Adventure avec plusieurs épisodes inédits. Sur Gulli, comme souvent les samedis aussi, rediffusion de Kirikou avec Kirikou et les bêtes sauvages, suivi à 22h25 de Kirikou et la sorcière. Sur TF1 Série Film, comme chaque samedi ou presque, rediffusion de Joséphine Ange Gardien sur la chaîne L'équipe du football. Et oui, on était sur M6 avec le groupe C pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais là, le groupe G, le Monténégro contre les Pays-Bas. Sur Sister, le gala de Noël. Sur RMC Story, les pires accidents, c'est inédit et il y a plusieurs épisodes. Sur RMC Découverte, retour à l'instinct primaire avec plusieurs épisodes inédits. Et on termine avec Chéri 25 qui vous propose une série télé inédite, The Spanish Princess. Et j'ai fait anglais, donc je ne sais pas dire Spanish. J'ai fait allemand, pardon, en LV2, donc voilà. Et bah, merci beaucoup Enzo. Et alors, je dois te dire que je suis un peu chafouin, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé le programme télé. Et il n'y a plus les Simpsons le soir à la télé. Et alors ça, c'est honteux. Ah bon ? Plus du tout ? Parce qu'avant, c'était diffusé sur W9 vendredi soir et sur Sister samedi soir. Et là, sur Sister, c'est remplacé par des téléfilms de Noël. Et avec tout le respect que j'ai pour le Père Noël, moi, je préfère les Simpsons. Bah c'est vrai que je ne trouve pas. Ah oui, ouais, c'est alors je n'ai pas la raison mais je vois plusieurs articles concernant la série qui pourrait prendre fin à la fin de la saison dernière, c'était il y a des articles qui datent d'un an, d'il y a un an. Alors je sais pas pourquoi mais voilà, en tout cas la série a été renouvelée hein en mars dernier et est disponible sur Disney+. Voilà pour les intéressés. Mais oui. Mais c'était quand même très pratique pour ceux qui n'ont pas Disney+ de pouvoir le regarder à la télé. Parce que les Simpsons, c'est quand même une excellente série. Eh bah, ben, vous écoutez Radio Antigone, et il est 11h20. Radio Antigone, 10h, midi, la case du week-end. Oui. Et avant... Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Je me fais plaisir, avant de parler économie, dans quelques instants, on écoute de la musique actuelle. S'il vous plaît, Coldplay, Higher Power. Sometimes I just can't take it. Can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing rap. Just in a car about to kill me. Till you tell me on a heavenly phone. So hold tight. Let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. I wanna know. You've shaking just to let you know now. Higher Power, c'était Coldplay sur Radio Antigone dans la case du week-end. 11h23, pile à l'heure pour Aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui l'économie. Et parlons bois dans cette chronique. Guillaume Naudin, bonjour. Comme beaucoup de matériaux, le bois donc, et notamment le bois de construction, est très demandé et en conséquence, les prix s'envolent. Une multiplication par 4 depuis le début de l'année et de la reprise. Les prix du bois de construction s'envolent aux États-Unis. Il y a deux raisons à cela. D'abord, la hausse de la demande, la construction de maisons neuves dans un pays où la plupart d'entre elles sont en bois. Après le pic de la pandémie, les milléniaux et les jeunes actifs veulent s'installer et ils font construire des maisons individuelles. L'autre raison, c'est la difficulté à faire s'adapter l'offre. Le bois de construction, c'est un matériau à croissance lente. Il faut du temps pour faire pousser un arbre qui peut fournir des planches et des panneaux suffisamment grands. Difficile donc d'augmenter la production du jour au lendemain. Par ailleurs, les difficultés logistiques d'approvisionnement frappent le secteur comme les autres. Les constructeurs américains cherchent donc du bois partout. Consciente du problème, l'administration Biden a même lancé un processus de révision des surtaxes sur le bois de construction canadien. Ce pourrait être le début de la résolution, au moins provisoire, d'un conflit vieux de plusieurs décennies. Les États-Unis cherchent aussi à diversifier leurs sources d'approvisionnement, direction l'Europe donc, mais sur le vieux continent, la demande américaine se heurte à deux problèmes. D'abord, les limitations à l'exportation et même pour certains produits, l'interdiction mise en place par la Russie. Résultat, une forte concurrence avec la Chine qui, elle aussi, se tourne vers l'Europe. Là encore, le bois de construction est très demandé, moins pour des raisons de techniques traditionnelles de construction que pour des raisons environnementales, pour son image de produit écologique et durable. Résultat, les constructeurs ont du mal, là aussi, à satisfaire la demande et les prix augmentent partout, même si c'est moins fortement qu'aux États-Unis. Le phénomène affecte tout le secteur et même en dehors de la construction. Les fabricants français de cercueils, par exemple, confrontés à une hausse de la demande en raison du nombre important de victimes du coronavirus, ont eux aussi augmenté leurs tarifs. Guillaume Naudin, Washington, RFI. Merci beaucoup à vous, Guillaume. Et puis, eh bien, la case du week-end continue, oulala. Radio Antigone, 10h, midi, la case du week-end. Et à 11h25, presque 26, avant de retrouver de la musique, enfin, le flash et la météo, on écoute de la musique. Cachez les oreilles de vos enfants, s'il vous plaît, parce qu'on écoute de la bonne musique, mais de la musique avec des paroles crues. Sur Radio Antigone, c'est Thérapie Taxi, salope. Va te faire enculer, va bien me faire enculer, salope. J'en ai plus rien à faire, je te cracherai bien mes glaires, salope. Et là, tu fais ta pute comme une tasse bleue en rude, salope. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. Tu te fais souiller par des fils de pute qui te font à peine mouiller. À tour de bras tu suces des queues, tu t'en mets plein les yeux. Tu rampes comme une chienne, tu pries pour qu'on te prenne à même. Tu joues à la nympho avec ta chatte, tu fais un concerto. Mais mon rêve, ma chérie, c'est me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Oui mon rêve, ma chérie, c'est me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Tu fais le mec qui a des principes et tu penses qu'avec ta bite bâtard. Je te ferai bouffer mes tampons, t'étouffer comme un con, connard. Alors va te faire enculer, va bien me faire enculer, connard. Je te fais sucer comme une choupe à choupe dans une cour de récré.

excepté dans le sud et la Bretagne. Il fera 13 degrés à Brest, Paris et Toulouse, 8 à Besançon, 12 à Lille, 14 à Nantes et Bordeaux. Il fera jusqu'à 17 à Nice et 18 à Marseille. Et tout le week-end, la pluie continuera. Désolé, sur la majorité du pays. À partir de lundi, des nuages. Et à partir de mardi, il fera un peu plus beau sur la majorité du pays. Voilà pour la météo. Tout de suite, la case du week-end qui continue. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo et Matt. La case du week-end continue, en effet, est en direct jusqu'à midi, toujours avec Matt, que vous avez entendu pour le flash. Merci beaucoup, Matt, d'avoir proposé ces trois flashs. Prochain point sur l'actualité, c'est tout à l'heure, à midi, avec le radio-journal de notre partenaire RFI. Un journal complet pour faire le tour complet de l'actualité internationale. Qu'est-ce qui arrive prochainement? Les actus du sport, les actus du numérique, qu'est-ce qu'il y a aussi? Eh bien, les actus des médias, on va parler de quoi dans les actus des médias, Matt? Les actus des médias, on va parler du Frames Video Festival qui récompense les vidéos YouTube. Très bien. Et puis dans les actus du numérique, nous parlerons de Microsoft qui offre des cadeaux, voilà, à certains Américains. Je vous explique tout à l'heure. Et c'est là qu'on est déçu, qu'on est triste d'être français et pas américain, parce qu'on veut bien des cadeaux de Microsoft, nous aussi. Dans la programmation musicale de la prochaine demi-heure, Tibbs, bye bye. Regarde-moi dans les yeux pour une fois, et je dirai bye bye à ma vie d'avant. Merci. Et on va aussi écouter The Police, Walking on the Moon. Alors non, t'as appuyé un peu trop de fois sur le bouton là. Alors j'ai pas appuyé. Ah bon, il y a un problème alors? Alors, parce bon, que là, tout s'est lancé. Excusez-nous. Alors, attends. Excusez-nous. Un petit problème technique. Voilà. Après les Black Keys, voilà, l'extrait est là. Voilà, donc ça, c'est The Police Walking on the Moon. Et on est vraiment désolé. Un problème technique. Voilà. Mais on va quand même écouter The Police à 11h47. Voilà, c'est ça. Et tout de suite. On va y arriver. Et tout de suite, vas-y, que je sais pas qui annonce, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, j'y vais tout de suite à 11h35 sur Radio Antigone, The Black Keys avec Fever. Vous êtes sur Radio Antigone, excusez-moi, j'ai oublié que c'était terminé. Nous sommes toujours avec Matt pour la case du week-end, c'était les Black Keys à l'instant. Bon réveil à tous. Radio Antigone, les actus du numérique. Et les actus du numérique avec toi-même, Enzo. Et cette fois, on va pas parler d'eux, mais on va parler de Toulouse. Et là, j'essaie de faire le jingle de Microsoft. Très bien, bravo, bravo. Très belle imitation, très très belle imitation que je valide. Pas du tout. Non, si, si. Que je valide totalement. On parle de Microsoft, avec plusieurs actualités. Et notamment, à l'approche des fêtes de fin d'année, un cadeau. Et oui. Puisque certains d'entre vous, et notamment si vous travaillez, si vous êtes aux États-Unis, ont peut-être reçu, un drôle d'email vous disant, que vous avez reçu un cadeau. Et notamment, une carte cadeau. Puisque, pour aider, à passer un joyeux Noël, Microsoft Store, j'ai toujours du mal, c'est une catastrophe. Microsoft Store a surpris 50 000 clients américains en envoyant des cartes cadeaux virtuelles par courrier électronique. Ce n'est donc pas un spam, mais c'est bien le cas. Cette initiative ne concerne que les utilisateurs américains. Donc ça ne coûte rien de vérifier son adresse email pour vérifier si votre compte n'a pas été sélectionné par le géant américain. 25 000 utilisateurs vont recevoir une carte cadeau d'une valeur de $100, tandis que 25 000 autres vont, quant à eux, recevoir un bon cadeau de $10. Ils sont invités à activer leur Microsoft Gift Card avant le 31 décembre 2021 et ils auront 90 jours pour dépenser l'intégralité de cette carte cadeau. Passé cette période, la carte deviendra inactive. Voilà, donc un beau cadeau, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, puisque vous ne pouvez pas que acheter des choses virtuelles sur le site de Microsoft Store, mais également des périphériques, si vous voulez une souris ou une petite réduction pour acheter un nouvel ordinateur sur le site de Microsoft dans la gamme Surface, par exemple. Ou même, profiter d'une petite réduction avec cette carte cadeau sur la Xbox Series, qui a déjà plus d'un an, la Xbox Series X, qui est difficile à trouver, qui est présente sur le site Microsoft Store et que vous allez pouvoir acheter la toute dernière console de Microsoft. À propos de consoles de jeux, Microsoft va prépare pour dans deux jours, le 15 novembre, un événement spécial pour célébrer le 20e anniversaire de la Xbox. Et oui, 20e anniversaire, donc la console est sortie, la première console Xbox est sortie le 15 novembre 2001. Et donc, vous allez pouvoir participer à un événement spécial ce lundi à partir de 19h, retransmis en direct sur la chaîne officielle Twitch de Xbox France. Et puis à cette occasion, vous allez pouvoir vous remémorer les meilleurs moments des 20 ans de la Xbox avec les premiers jeux, les premiers jeux marquants qui ont fait le succès de la marque Xbox et puis jusqu'au succès de la Xbox 360 jusqu'à la Xbox One ou l'actuelle série X ou série S. Le 13 novembre, c'est aujourd'hui, il y a même un autre événement, un quiz spécial avec de nombreux cadeaux à gagner qui est organisé, donc vous pourrez également en profiter. C'est aujourd'hui. Voilà pour ces actus numériques, Matt. Merci beaucoup, Enzo. Et petit rappel, ce magnifique cadeau de la part de Microsoft qui est là, bien évidemment, pour vous faire consommer et pour vous faire consommer chez Microsoft. Non. Il faut le rappeler quand même. Mais nous, sur Radio Antigone, on est gentils. On vous force à consommer rien du tout. Oui. On vous force juste à rester jusqu'à midi. À consommer parce la musique. Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. 10h, midi, la case du week-end. Et on va parler sport, on va parler médias, on va parler jeux vidéo et on va écouter de la musique. Tibbs, bye bye. Santé à toi, Paris. Toi aussi ma vie d'avant. Toi Paris qui m'a tout pris. Tout mon sommeil, tout mon argent. Chanter pour toi Paris. Pour oublier ma vie d'avant. Entre les rêves et la famille. Paris m'a dit choisis ton camp. T'es pas sérieuse. Vas-y t'es pas sérieuse. Non. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux pour une fois. Et je dirai bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant. Même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant. Même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. On va pas se mentir, Paris, elle fait la gueule ma vie d'avant. Même à minuit, Paris, tu brilles. On voit que toi au premier rang. On va s'aimer, Paris. Dans tes rues, je te ferai des enfants. Ils auront tes yeux, je parie. Mais le sourire de ma vie d'avant. T'es pas sérieuse. Vas-y, t'es pas sérieuse, non. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux pour une fois. Et je dirai bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant. Même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant. Même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. J'ai laissé des sourires juste avant de partir Paris. Si tu me laisses sous ta pluie, ma vie d'avant peut revenir. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant. Même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, mort du vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant. Même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. Paris, t'es pas sérieux. Bye, bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal, mal. Paris, t'es pâle, pâle, m'ont rendu vivant. Tips avec son tout dernier single, c'était Bye Bye. Non, non, non, non, non, non. Restez bien là, ne partez pas, on ne vous dit pas encore au revoir, puisque voici tout de suite Andréane Mélard pour les actus du sport. Les sports, Frédéric Suto avec l'équipe de France de foot. Pour commencer, qui veut boucler l'affaire dès ce soir, valider sa qualification pour la Coupe du Monde 2022? Oui, les Français sont en position de force hein, dans leur groupe éliminatoire. 12 points, 3 de plus que l'Ukraine et 4 unités d'avance sur la Finlande. Et une équipe de France qui a encore 2 matchs à disputer, ce soir donc face au Kazakhstan et mardi prochain à Helsinki en Finlande. Il faudrait une catastrophe pour que les Bleus ne parviennent pas à leur fin, à savoir la première place du groupe, synonyme de qualification directe pour le Qatar, le Mondial 2022. Une victoire ce soir au Parc des Princes face au Kazakh, le billet serait validé pour les champions du monde en titre, le sélectionneur Didier Deschamps. L'essentiel, c'est d'y être. Là, on a la possibilité, ça dépend que de nous, en gagnant d'être déjà qualifié. Au lieu d'attendre le dernier match avec un déplacement en Finlande, on ne va pas s'en plaindre. Et pour nous, l'important d'atteindre un autre objectif parmi les 3 qu'on avait durant cette année 2021. Et celui-là, il est évidemment essentiel parce que l'équipe de France doit être à la prochaine Coupe du Monde. Didier Deschamps avec Antoine Grenier. Parmi les autres objectifs qu'évoque Didier Deschamps cette année, il y avait l'Euro raté, élimination contre la Suisse en 8e de finale. Il y avait la Ligue des Nations réussie, succès et victoire finale des Français. France-Kazakhstan, en tout cas, c'est ce soir 19h45, temps universel. Autre sélection qui peut se qualifier dès ce soir, la Belgique. Les Belges battus en demi-finale du dernier mondial 2018 par l'équipe de France. La Belgique regarde désormais vers 2022, 5 points d'avance sur la République tchèque et le Pays de Galles à 2 journées de la fin. La qualif est à portée de crampons pour les Diables Rouges. Un succès ce soir face à l'Estonie serait suffisant, le sélectionneur Roberto Martinez. Je sais qu'au vu de leur classement, on ne croirait pas que l'Estonie est une grande équipe, mais c'en est une. Ils ont une excellente organisation de jeu, ils ont des joueurs très rapides, et moi j'en suis un grand fan. Depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, leur jeu offensif est devenu très direct. C'est une équipe très dynamique. Souvenez-vous, au match aller, nous avions pris 2 buts. Ils restent sur un très beau match nul face au Pays de Galles. Il faudra donc qu'on soit parfait pour les battre, car ils ont une équipe très complète. Et notons qu'il y a dans le groupe C de ces éliminatoires l'Italie qui a manqué un pénalty dans le temps additionnel, un partout face à la Suisse, les deux équipes Italie-Suisse en tête de leur groupe, et puis l'Angleterre qui y est presque au Qatar après le 5-0 face à l'Albanie. Les éliminatoires en Afrique, l'Égypte valide son billet pour le dernier tour. Après le Sénégal, le Maroc, le Mali, les Pharaons, eux aussi sont assurés de terminer premier de leur groupe et de disputer les matchs de barrage en mars prochain. Les Égyptiens, auteurs d'un nul en Angola, de partout hier dans le groupe F, ne peuvent plus être rejoints par le Gabon. Martin Guèze. Pendant une période, les Pharaons se sont momifiés et ont joué à se faire peur. 11 fantômes avaient pris place le 12 novembre sur la pelouse du stade du 11 novembre à Luanda et ont subi la magie angolaise, celle d'Elder Costa, l'attaquant de Valence en Espagne, qui a ouvert le score d'une belle frappe du gauche, et celle de Mbalanzola, attaquant de la Spezia en Italie, qui a doublé la mise sur pénalty. 2-0 à l'approche de la pause, c'était le moment de convoquer les grands esprits pour l'Égypte. Celui de Mohamed Salah, passeur pour la très belle réduction du score d'El Neni juste avant le repos, et celui d'Akram Taufik, le milieu d'Al Ahly, auteur du but égalisateur à l'heure de jeu. Rien de bien sorcier, mais un but synonyme de qualification. Un match nul de partout qui assure aux pharaons égyptiens un matelas de 4 points sur les panthères gabonaises avant la dernière rencontre Égypte-Gabon ce mardi. Après avoir disputé la Coupe du Monde en 1934, 1990 et 2018, l'Égypte va donc une nouvelle fois tenter de se qualifier pour le Mondial. Martin Guèze, les éliminatoires Afrique pour la Coupe du Monde 2022. Toutes les infos, Andréane, à retrouver sur notre site internet, les pages Afrique Foot. Frédéric Suto. Merci à vous Frédéric ainsi qu'Andréane Mélard pour ces actus du sport. Ah, et le jingle ne part pas. Le classique de la case du week-end. Merci beaucoup d'être toujours à l'écoute de Radio Antigone. Il reste 9 minutes d'émission, une émission qui va être bien remplie. Matt, on va une nouvelle fois parler jeux vidéo avec les dernières sorties de jeux. Et oui, on va parler voitures et jeux de stratégie. Très bien, un beau programme donc. On parlera aussi médias, ça arrive dans moins de 4 minutes. On va parler de la soirée Frames Télérama. Voilà, voilà. Pour l'instant, on écoute un gros classique musical. Voici The Police avec Walking on the Moon. Wow. Walking on the Moon. Mince. We'll be right back. pile, pile, pipo, po, po. Ça fait chanter. C'était The Police avec Walking on the Moon sur Radio Antigone. Merci beaucoup de nous écouter. Il est 11h55, on parle média. Radio Antigone. Les actus des médias. Et avec toi, Enzo, on parle de Frames Video Festival et de Télérama. Oui, Frames Video Festival, c'était une soirée organisée par Télérama, soirée qui met en lumière les meilleurs youtubeurs, en tout cas selon Télérama, les youtubeurs pour certains engagés qui ont fait de très très bonnes vidéos cette année. Le but est donc de récompenser les créations vidéo de chaînes YouTube de moins de 10 000 abonnés. Et donc c'était la deuxième édition, c'était sur la scène de l'Auditorium du Monde que ça s'est déroulé ce mardi, les 6 lauréats du concours Émergence. Et qui ont donc récompensé la création vidéo. Alors parmi ces personnes, eh bien, on peut noter, des vidéos sur concernant le post-apocalyptique, voilà, des sujets qui fâchent également, avec des sujets d'actualité, de politique et société, notamment avec le youtubeur spécialisé, Gaspard G. Donc lui s'est emparé du micro pour raconter les coulisses de sa vidéo 15 étudiants confinés qui racontent leur détresse. Voilà. Et donc un festival très très intéressant avec des vidéos instructives, bien réfléchies, bien pensées sur YouTube. Festival donc que a mis en de vidéos mises en valeur par ce festival de Télérama. Une soirée qui est à retrouver en replay sur le site de Télérama et sur la chaîne YouTube de Télérama. Soirée spéciale donc 100% youtubeur, la soirée Frames. Ouais. Il est 11h57, on passe rapidement aux sorties jeux vidéo. Les sorties jeux vidéo. Matt, tu nous emmènes faire vroom vroom. Et oui, avec Forza Horizon 5, le nouveau jeu qui est sorti récemment, qui est la suite de Forza Horizon 4, c'est très simple. Le speech, un festival de voitures qui se déroule dans un endroit. C'est un open world, vous pouvez vous balader partout si vous voulez. Seule limite, c'est disponible sur Xbox et sur PC, parce que c'est produit par Microsoft, et c'est entre 50 et 60 euros. Oui, ça coûte ce que ça coûte. Et je vais vous parler aussi d'un autre jeu, un jeu de stratégie, Age of Empires 4. Ça fait très longtemps qu'on l'attend, Age of Empires 4. Depuis le 3 qui est sorti il y a longtemps, j'y jouais quand j'étais plus jeune. Il est sorti principalement sur PC et j'ai pas eu le temps d'aller voir le prix. Ça doit coûter plutôt cher aussi. Age of Empires 4, c'est un très bon jeu de stratégie plus ou moins militaire. Vous construisez votre camp, voilà. Et c'est tout. Age of Empires 4. Mais oui, 40 euros. Age of Empires 4 sur PC, voilà, 40 euros. Alors non, ça c'est vous pouvez le trouver aux alentours de 40 euros sur Instant Gaming, des jeux en réseau. Voilà. Les prix varient. Age of Empires 4 et Forza Horizon 5, de très bons jeux disponibles. Et vous pouvez jouer, je vous recommande d'y jouer. Et voilà, c'est tout pour cette case du week-end. Radio Antigone. 10h, midi, la case du week-end. En effet, les 2 heures sont déjà passées, et oui, j'espère que vous avez bien profité de cette émission, que ça vous a fait plaisir de retrouver notre cher Matt qui était là. Ouais. Mais oui, c'était un très grand plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup, Enzo. Ah bah merci à toi d'avoir accepté de participer à cette émission. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais que tu viennes. Hein, voilà, et puis on a enfin pu trouver un créneau. Voilà, donc c'est super. Mais oui, voilà. Ça t'a plu, voilà. Oui, ça m'a plu. Merci beaucoup. Merci à toi, Enzo. Une super émission, la case du week-end. Écoutez. Merci beaucoup, week-end. Matt. C'est très gentil. Écoutez Radio Antigone en général. Oui. J'espère que cette émission vous a plu, chers auditeurs. J'espère qu'une émission en co-animation vous a plu. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle case du week-end, bien sûr. Alors j'ai mon écran qui vient de s'éteindre. C'est bien sûr très très pratique, donc je ne sais pas l'heure. Voilà, 11h59. Et puis on se dit à très très bientôt sur Radio Antigone, avec demain une nouvelle case du week-end, toujours en direct. Et tout de suite, le radio-journal de notre partenaire RFI. Salut Matt, merci beaucoup. Salut à tous.